Chapitre 22e. Une blessure et ses conséquences. On fit entrer Marguerite dans le salon. Elle s'assit et attendit. Personne ne vint. De temps en temps, le vent semblait apporter le bruit de la multitude, et cependant, il n'y avait pas de vent. Fanny entra enfin. « Maman va venir, Miss Hale, » dit-elle. « Elle m'a chargé de l'excuser auprès de vous. » « Vous savez peut-être que mon frère a fait venir des ouvriers d'Irlande, ce qui a irrité à l'excès les ouvriers de Milton, comme s'ils n'avaient pas le droit de prendre des travailleurs où il en trouve, puisque ces misérables d'ici ne veulent pas travailler pour lui. Et voilà qu'ils ont effrayé par leurs menaces les pauvres Irlandais, de sorte que nous n'osons les laisser sortir. Vous pouvez les voir tous entassés dans la chambre haute de la manufacture. C'est là qu'on va les coucher. » Afin de les mettre à l'abri de ces brutes qui ne veulent ni travailler, ni laisser travailler les autres. Maman est occupée de leur faire donner à manger, et John est en train de leur parler car les femmes pleurent et veulent s'en retourner. Oh, voici maman. Mrs. Thornton entra. Elle avait l'air sombre et préoccupée, et Marguerite sentit qu'elle était arrivée à un mauvais moment pour présenter sa requête. Néanmoins, comme Mrs. Thornton elle-même avait exprimé le désir qu'elle lui demanda tout ce qui était nécessaire à Mrs. Hale pendant sa maladie, Marguerite lui parla de l'état d'agitation de sa mère et du désir qu'avait le docteur Donaldson de lui procurer le soulagement d'un lit d'eau. Elle cessa de parler. Mrs. Thornton ne lui répondit point, puis tout à coup elle se leva et s'écria. « Ils sont aux portes. Appelle John, Fanny. Va le chercher dans la filature. » « Ils sont aux portes, ils vont les enfoncer. Appelle John, te dis-je. » Et en effet, le bruit des pas de la multitude qu'elle écoutait pendant que Marguerite lui parlait se faisait entendre de l'autre côté du mur, et les cris de voix irritées s'élevaient derrière les portes, dont les battants commençaient à s'ébranler sous les efforts puissants de la multitude, qui ne reculait un instant que pour revenir à la charge avec plus de violence. On vit bientôt les massives barrières pliées comme des roseaux agités par un vent impétueux. Mrs. Thornton, les servantes, Marguerite, s'étaient rassemblées autour des fenêtres, à la fois terrifiées et fascinées par ce spectacle. Fanny était remontée en criant comme si elle eût été poursuivie à chaque marche. Ils s'étaient jetés sur le sofa, en proie à une attaque de nerfs. Mrs. Thornton guettait le retour de son fils, qui était encore dans la filature. Il sortit enfin et jeta un regard vers les fenêtres du salon où il aperçut les figures pâles et affligées des femmes. Il leur sourit pour les encourager, puis il ferma la fabrique. Il appela ensuite une des servantes afin qu'elle lui ouvrît la porte de la maison que Fanny, dans sa terreur, avait refermée sur elle. Mrs. Thornton y alla elle-même. Le son bien connu de la voix mâle et sévère du patron fut pour la multitude furieuse ce qu'est le goût du sang pour une meute acharnée. Jusque-là, tous avaient gardé le silence, n'ayant qu'une pensée, qu'une aspiration, celle de renverser les portes. Mais en entendant parler celui qu'ils considéraient comme leur ennemi, ils poussèrent tout à coup des hurlements si féroces que Mrs. Thornton elle-même était pâle de terreur lorsqu'elle rentra dans le salon. Mr. Thornton la suivait. Son visage était un peu plus coloré que de coutume. Ses yeux brillaient à la pensée du combat et du péril, et sa physionomie exprimait à la fois le mépris et le courage. Marguerite avait toujours craint de se montrer poltronne en présence de quelque grand danger. Mais en ce moment terrible, elle s'oubliait complètement elle-même dans la sympathie profonde et intense qu'elle ressentait pour celui dont la vie et la fortune étaient menacées à la fois. Mr. Thornton s'avança franchement vers elle. « Je regrette, Miss Hale, que vous vous soyez trouvée près de nous en un pareil moment, car je crains que vous ne soyez exposée au même péril que nous. Ma mère, ne vaudrait-il pas mieux vous réfugier dans les chambres qui donnent sur l'autre cour? Je ne sais pas s'ils sont parvenus à s'ouvrir un passage de Pinner's Lane dans la cour de l'écurie. S'ils ne l'ont pas fait, vous serez plus en sûreté qu'ici. Allez-y, » continua-t-il en s'adressant à l'une des servantes. Elle sortit et les autres la suivirent. « Je reste ici, » dit Mrs. Thornton. « Ma place est près de vous. » Et de fait, Il eût été inutile d'aller dans les chambres de derrière, car la foule avait pénétré de ce côté et hurlait sous les fenêtres. Les servantes se réfugièrent dans les greniers en poussant des cris de terreur. Mr. Thornton sourit avec dédain en les entendant. Il jeta un coup d'œil vers Marguerite, qui était seule à la fenêtre la plus voisine de la fabrique. Les yeux de la jeune fille brillaient. Ses joues étaient couvertes de rougeur. Comme si elle eût senti son regard, elle se tourna vers lui pour lui adresser une question sur un sujet qui la préoccupait depuis quelques instants. « Où sont les pauvres ouvriers irlandais ?» lui dit-elle. « Dans la manufacture ?»« Oui, je les ai laissés, tout effrayés, entassés dans une petite chambre qui est en haut de l'escalier de derrière, par lequel ils auront la ressource de s'enfuir si on attaque la filature. Mais ce n'est pas à eux qu'on en veut, c'est à moi. » « Qu'en peut-on espérer, les soldats ?» dit Mrs. Thornton à voix basse, mais avec calme. Mr. Thornton tira sa montre, et avec le même sang-froid qu'il mettait à toute chose, il fit quelques calculs et répondit. « Si Williams a pu y aller tout droit lorsque je lui ai dit, s'il n'a pas été obligé de prendre un chemin détourné à cause de la foule, les soldats sont ici dans 20 minutes. »« 20 minutes ?» répéta Mrs. Thornton, d'une voix qui, pour la première fois, laissait percer la terreur. « Fermez la fenêtre sur le champ, ma mère. Les portes ne supporteront pas un second choc comme celui-ci. Fermez cette fenêtre, Miss Hale. » Marguerite ferma la fenêtre près de laquelle elle était, puis elle alla aider les mains tremblantes de Mrs. Thornton. Il se fit dans la rue un silence de quelques instants. Mrs. Thornton regarda avec anxiété la figure de son fils, pour essayer d'y voir ce qu'il pensait de ce calme soudain. Mais la physionomie de Mr. Thornton n'exprimait que le défi et le mépris. On n'y pouvait lire ni crainte ni espoir. Fanny se souleva un instant. « Sont-ils partis ? » dit-elle tout bas. « Partis, » lui dit son frère. « Écoute. » Elle écouta. Tous écoutèrent et entendirent un dernier et vigoureux effort, le craquement du bois, le brisement du fer, puis la chute bruyante des lourdes portes. Fanny se leva, fit en chancelant quelques pas vers sa mère, et tomba évanouie dans ses bras. Mrs. Thornton la souleva avec une force qui tenait plus de la volonté que de la puissance des muscles, et l'emporta. « Dieu soit loué !» s'écria Mr. Thornton en la voyant sortir. « Ne feriez-vous pas mieux d'aller en haut, Miss Hale ?»« Non, » dit Marguerite. Mais Mr. Thornton devina plutôt qu'il n'entendit sa réponse, car sa voix était dominée par le bruit de pas innombrables s'approchant jusque sous les fenêtres du salon et par le grondement sauvage de voix rauques et irritées. « Ne craignez rien, » dit-il, espérant par là l'encourager. « Je suis désolé que vous vous soyez trouvé ici au moment de cette alerte, mais cela ne durera pas longtemps maintenant. Encore quelques minutes et les soldats seront ici. » « Oh mon Dieu !» s'écria soudain Marguerite. « Voilà Butcher, je le reconnais, quoiqu'il soit livide de colère. Il se débat pour arriver devant la maison. Voyez, voyez !»« Qu'est-ce donc, Butcher ?» demanda tranquillement Mr. Thornton, en s'approchant de la fenêtre pour voir quel était l'homme auquel s'intéressait si vivement Marguerite. Mais les ouvriers, en l'apercevant, poussèrent un hurlement sauvage, semblable au cri d'une bête féroce et affamée, à laquelle on enlève sa proie. Lui-même recula, consterné, devant l'intensité de la haine qu'il avait soulevée. « Laissons-les hurler, » dit-il, « dans 5 minutes. Je crains seulement que mes pauvres Irlandais ne soient terrifiés jusqu'à en perdre la tête par ce bruit vraiment infernal. Encore 5 minutes de courage, Miss Hale. Ne craignez rien pour moi, » dit celle-ci avec impétuosité. « Mais ne tenterez-vous rien pour apaiser ces pauvres créatures? Ceci est affreux à voir. Les soldats seront ici tout à l'heure, et ils leur feront entendre raison. Raison? Quelle raison? La seule raison qui agisse sur des hommes qui sont à l'état de bêtes féroces. Grand Dieu, les voilà à la porte de la fabrique. » « Monsieur Thornton, » dit Marguerite, tremblante d'émotion et de colère, « si vous n'êtes pas un lâche, descendez à l'instant. « Descendez et affrontez-les comme il convient un homme. Sauvez ces pauvres étrangers que vous avez attirés ici. Parlez à vos ouvriers comme à des créatures humaines. Parlez-leur avec bonté. N'attendez pas que les soldats viennent mettre en pièces des misérables égarés par la faim. J'en vois un qui est de ceux-là. Si vous avez quelque courage et quelque générosité, sortez et parlez-leur. Parlez-leur comme un homme à des hommes. » Il s'était tourné vers elle. Une image sombre s'était répandue sur son visage tandis qu'il écoutait ses paroles. « J'y vais. Je vous demanderai de m'accompagner en bas pour verrouiller la porte derrière moi. Ma mère et ma sœur ont besoin de cette protection. » « Oh, monsieur Thornton, je ne sais pas. J'ai pu me tromper, mais... » Il était parti. Il était en bas. Il avait ouvert la porte. Tout ce qu'elle put faire fut de le suivre à la hâte et de la refermer derrière lui. Elle remonta l'escalier, le cœur défaillant et la tête en proie à une sorte de vertige. Elle reprit sa place près de la fenêtre. Il était sur le perron. Elle le devinait à la direction de milliers de regards irrités, mais elle ne pouvait rien voir, ni entendre autre chose que le murmure de sauvage satisfaction qui s'élevait parmi la foule. Elle ouvrit la fenêtre. Il y avait parmi les assaillants un grand nombre de jeunes garçons cruels et étourdis, cruels parce qu'ils étaient étourdis. Il y avait aussi des hommes maigres et décharnés, semblables à des loups affamés, haletant après leur proie. Marguerite savait ce qu'il en était. C'étaient des hommes comme Butcher, dont les enfants mouraient de faim, qui avaient compté sur le succès de leurs efforts pour obtenir un salaire plus élevé, et dont la colère était devenue de la rage en apprenant que des Irlandais venaient leur arracher le pain de leurs enfants. Marguerite savait tout cela, et elle le lisait encore en ce moment même sur la figure livide et désespérée de Butcher. Il lui semblait que si Mr. Thornton leur parlait, s'il leur faisait entendre sa voix, cela vaudrait mieux que de les laisser s'épuiser de colère et de rage au pied des murs de sa maison, sans daigner leur adresser ni menaces ni reproches. Mais peut-être leur parlait-il en ce moment. Leur bruit confus et inarticulé comme celui d'une troupe d'animaux avait cessé un instant. Marguerite jeta son chapeau et se pencha en avant pour essayer d'entendre. Elle ne réussit qu'à voir. Si Mr. Thornton avait en effet essayé de leur parler, le mouvement instinctif qui les avait d'abord portés à l'écouter était passé, et la multitude se montrait plus furieuse et plus agitée que jamais. Lui était debout, les bras croisés, immobile comme une statue, le visage pâli et contracté par une colère contenue. Ils essayaient de l'intimider, de le faire céder, reculer. Chacun excitait son voisin à un acte de violence personnelle. Marguerite sentit instinctivement que dans un instant tout serait confusion, qu'une fois que l'un d'eux l'aurait touché, il y aurait une explosion de fureur et que la vie même de Mr. Thornton serait en danger. Un instant encore, et l'orage des passions se jouerait de toutes les bornes, renverserait toutes les barrières. On oublierait toute crainte. On ne songerait plus aux suites des excès commis. En ce moment même, elle voyait un groupe de jeunes garçons se disposer à ôter leurs sabots et à s'en servir comme de projectiles. Elle sentit que ce serait l'étincelle qui enflammerait la poudre, et poussant un cri qui ne fut entendu de personne, elle s'élança dans l'escalier, souleva la barre de fer de la porte, l'ouvrit, et se trouva en face de cette mer d'hommes furieux et menaçants. Les mains prêtes à lancer des projectiles retombèrent inoffensives. Les physionomies si implacables à un moment auparavant devinrent étonnées et irrésolues, car Marguerite était entre leur ennemi et eux. Elle ne pouvait parler, mais elle tendait les bras vers eux, en attendant qu'elle eût repris haleine. « Oh, n'ayez pas recours à la violence, fille !» s'écria-t-elle. « Il est seul contre vous tous !» Mais elle ne pouvait se faire entendre, sa voix était rauque et étouffée. Mr. Thornton était debout à quelques pas, il s'était éloigné d'elle, car il ne voulait pas que rien s'interposât entre lui et le danger. « Retirez-vous !» s'écria de nouveau Marguerite d'une voix plus forte. « Les soldats vont venir. Allez-vous-en tranquillement. Retirez-vous. On fera droit à vos plaintes, quelles qu'elles soient. Renverra-t-on chez eux les Irlandais ?» demanda au milieu de la foule une voix irritée et menaçante. « Jamais en obéissant à vos menaces !» s'écria Mr. Thornton. Et à l'instant, l'orage éclata. L'air retentit de nouveau des huées et des blasphèmes, mais Marguerite n'entendait rien. Ses yeux étaient fixés sur le groupe de jeunes garçons qui s'étaient tout à l'heure déjà armés de leurs sabots. Elle voyait leurs gestes, elle savait ce qu'ils signifiaient, elle devinait leur point de mire. Encore un moment, et Mr. Thornton allait être atteint, et c'était elle qui l'avait poussé, excité à s'exposer à ce péril. Elle n'avait plus qu'une pensée, le sauver. Elle jeta ses bras autour de lui, elle lui fit un bouclier de son corps contre les êtres sauvages et sans merci qui l'environnaient. Il essaya de la repousser. « Retirez-vous, lui dit-il, ce n'est pas ici votre place. » « Si, répondit Marguerite, vous ne savez pas ce que j'ai vu. » Si elle avait pensé que la présence d'une femme protégerait Thornton, si elle avait espéré que ces hommes allaient enfin s'arrêter à réfléchir, elle s'était trompée. La colère les avait emportés trop loin pour qu'ils puissent reculer. Quelques-uns, du moins, car ce sont toujours les jeunes garçons qui, avec leur amour cruel du bruit et de la lutte, frappent les premiers, insoucieux du sang qui sera répandu. Un sabot siffla dans l'air. Marguerite, épouvantée, le suivit des yeux. Il manqua, heureusement, le but. Elle fit un nouvel effort pour parler. « Pour l'amour de Dieu, dit-elle, ne perdez pas votre cause par ces violences. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Une petite pierre l'atteignit soudain, rasant son front et sa joue, et une nappe de lumière passa devant ses yeux. Elle se pencha, à demi évanouie, sur l'épaule de Mr. Thornton. Celui-ci la soutint en l'entourant de ses bras et s'écria, en s'adressant aux ouvriers, « Je vous félicite. Vous venez ici poursuivre des étrangers innocents. Vous vous ruez tous sur un homme seul. Et lorsqu'une femme vient vous supplier dans votre intérêt de vous comporter comme des êtres raisonnables, vous la blessez lâchement. Je vous félicite. » Les ouvriers restaient silencieux. Ils regardaient, bouche béante. La trace de sang qui les avait éveillés de leur accès de rage. Ceux qui étaient près de la porte se détournaient, honteux. Il se fit un mouvement dans la foule, un mouvement de retraite, mais une voix cria. « La pierre était lancée contre toi, mais tu étais à couvert derrière une femme. » Thornton écumait de rage. Le sang qui s'écoulait avait rendu la connaissance à Marguerite. Il la plaça doucement sur la première marche et lui appuya la tête contre la porte. Puis il descendit les marches du perron et entra dans la foule. « Maintenant, tuez-moi si vous voulez, comme des brutes que vous êtes. Il n'y a plus ici de femme entre vous et moi. Vous pouvez me tuer, mais vous ne me ferez jamais changer de résolution, jamais. » Et il se tint debout au milieu d'eux, les bras croisés, exactement dans la même attitude que sur le perron. Mais le mouvement rétrograde continua. Il était peut-être aussi aveugle, aussi irréfléchi que l'avait été tout à l'heure la colère et la rage. Peut-être était-il causé par la pensée de l'arrivée prochaine des soldats. Peut-être par la vue de ce pâle visage renversé en arrière, les yeux fermés, et sur lequel le sang coulait lentement avec les larmes. Les plus acharnés reculèrent. Butcher lui-même se retira en murmurant des malédictions contre le maître qui les regardait partir d'un air de défi, et sans faire aucun mouvement. Lorsque leur retraite se fut changée en fuite, comme il arrive toujours en ces occasions, il s'élança vers Marguerite. Celle-ci essaya de se relever sans son appui. « Ce n'est rien, » dit-elle en souriant faiblement. « Ce n'est qu'une écorchure. Seulement j'ai été un peu étourdie sur le moment. Oh, je suis si heureuse qu'il soit parti. » Et elle pleura sans se contraindre. Mr. Thornton ne pouvait sympathiser avec elle. Sa colère, loin d'être calmée, s'augmentait encore à mesure que s'effaçait le sentiment du danger. On entendait dans le lointain le pas mesuré des soldats, 5 minutes après le départ de la foule. Il espéra que les ouvriers les verraient du moins et comprendraient combien il s'en était peu fallu qu'ils ne fussent surpris. Tandis que ces diverses pensées traversaient son esprit, Marguerite s'appuyait sur la porte, essayant de reprendre ses forces, mais tout à coup, un nuage s'étendit sur ses yeux. Mr. Thornton n'eut que le temps de la soutenir. « ma mère !» s'écria-t-il. « Descendez, ils sont partis, Miss Hale est blessée. » Il la porta dans la salle à manger et la déposa doucement sur un sofa. Puis, jetant les yeux sur cette blanche et pure figure, le sentiment de ce qu'elle était pour lui revint si ardent et si amer que, dans sa douleur, il cria à voix haute « Oh, Marguerite, ma Marguerite, qui pourrait dire à quel point tu m'es chère ? Froide et inanimée telle que tu l'as, Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Oh, Marguerite, Marguerite !» Il gémissait ainsi, agenouillé près d'elle. Il se releva honteux en entendant venir sa mère. Celle-ci ne remarqua rien, si ce n'est la pâleur de son fils, plus grande que de coutume. « Miss Hale est blessée, ma mère, » dit Mr. Thornton. « Une pierre lui a effleuré la tempe. Je crains qu'elle n'ait perdu beaucoup de sang. » « Elle me paraît très sérieusement blessée. On dirait presque qu'elle est morte, » dit Mrs. Thornton, alarmée. « Elle n'est qu'évanouie. Elle m'a parlé tout à l'heure, » dit Mr. Thornton, dont le sang paraissait refluer au cœur et qui tremblait en parlant. « Appelez Jane. Elle me donnera ce qu'il faut. Et allez trouver vos Irlandais, qui poussent des cris affreux et qui sont à moitié morts de frayeur. » Il y a là. Mais on eût dit qu'un poids était attaché à chacun de ses membres, tant il avait de peine à quitter la jeune fille blessée. Il appela Fanny, il appela Jane. Il voulait qu'aucun soin ne fût épargné. Son cœur battait avec violence lorsqu'il se rappelait comment elle était descendue et s'était placée entre le danger et lui. Était-il possible que ce fût afin de le sauver? Dans le moment, il l'avait repoussée et lui avait parlé rudement. Il n'avait vu que le péril auquel elle s'exposait inutilement. Il alla trouver ses Irlandais, pleins de la pensée de Marguerite. Il lui fut difficile de les comprendre et de s'en faire comprendre assez pour les consoler et pour calmer leurs craintes. Ils lui déclarèrent qu'ils ne voulaient pas rester et lui demandèrent de les renvoyer. Il fut donc obligé de réfléchir, de parler, de raisonner. Mrs. Thornton, pendant ce temps, baignait les tempes de Marguerite avec de l'eau de Cologne. Au moment où elle toucha la blessure qu'elle n'avait pas encore aperçue, Marguerite ouvrit les yeux. Mais évidemment, elle ne reconnaissait ni où elle se trouvait, ni qui était près d'elle. Ses lèvres tremblèrent et se contractèrent, et elle s'évanouit de nouveau. « Elle a reçu un coup terrible, » dit Mrs. Thornton. « Il faut qu'on aille chercher un médecin. »« Ne m'y envoyez pas, s'il vous plaît, madame, car les émeutiers sont encore par ici. Je ne crois pas d'ailleurs que la blessure soit bien profonde. N'importe. Elle a été blessée chez moi, je dois la faire soigner. Si vous êtes lâche, Jane, moi, je ne le suis pas, je vais y aller. » Permettez-moi, je vous en prie, madame, d'envoyer un des hommes de la police. Il y en a beaucoup autour de la filature, ainsi que des soldats. Et vous avez peur de sortir? Ils ne sont pas là pour faire nos commissions. Il faut qu'ils mettent la main sur quelques-uns des émeutiers. Vous n'aurez sans doute pas peur de rester dans la maison et de continuer à baigner les tempes de Miss Hale, dit Mrs. Thornton avec mépris. Je ne serai pas toujours dehors. Est-ce qu'Anna ne pourra pas y aller, madame? Pourquoi Anna plutôt que vous? Non, Jane, j'y vais moi-même. Mrs. Thornton alla d'abord dans la chambre où elle avait laissé Fanny étendue sur un lit. Celle-ci se leva en sursaut lorsque sa mère entra. « Oh, maman, s'écria-t-elle, que vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était un de ces hommes qui était entré dans la maison. Sottise, les hommes sont tous partis. Il y a des soldats tout autour de la maison. Ils viennent faire leur besogne, maintenant qu'on n'a plus besoin d'eux. » Mais il est couché sur le sofa de la salle à manger. Elle est grièvement blessée. Je vais chercher un médecin. « Oh non, maman, n'y allez pas. Ils vous tueront. » Et Fanny s'attacha à la robe de sa mère, qui la repoussa avec quelque rudesse. « Trouve-moi quelqu'un qui y aille alors, » dit-elle. « Je ne veux pas la laisser perdre ainsi tout son sang. »« Son sang? Oh, c'est affreux. Comment donc a-t-elle été blessée? Je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de le demander. » « Descends près d'elle, Fanny, et tâche de te rendre utile. Jane y est déjà, et j'espère que la blessure est moins grave qu'elle ne le paraît. Jane a refusé de sortir, la misérable poltronne. Et je n'ai pas voulu m'exposer à d'autres refus de la part de mes domestiques, de sorte que j'y vais moi-même. « Oh mon Dieu !» s'écria Fanny, pleurant et se disposant à descendre plutôt que de rester seule avec ses pensées de blessure et de sang répandu dans la maison même. « Oh, Jane, » dit-elle en entrant dans la salle à manger, « qu'y a-t-il? Comme elle est pâle, comment a-t-elle été blessée? Ils en ont jeté des pierres jusque dans le salon. » Marguerite était en effet d'une pâleur mortelle, bien qu'elle commençât à reprendre ses sens, mais elle se sentait d'une extrême faiblesse. elle avait conscience du mouvement qui se faisait autour d'elle et du bien que lui faisait l'eau de Cologne. Elle avait voulu qu'on baignât son front sans interruption, mais lorsque Jane s'arrêta pour causer, il lui eût été aussi impossible d'ouvrir les yeux ou de lui demander de continuer que si elle se fût trouvée en léthargie. « Elle serait encore saine et sauve, miss, » répondit Jane à Fanny, « s'il était resté dans le salon ou s'il était monté avec nous. » Nous étions dans le grenier, et nous pouvions tout voir de la fenêtre sans courir aucun risque. « Où était-elle donc alors ?» dit Fanny en s'approchant par degrés, à mesure qu'elle se familiarisait avec la figure pâle de Marguerite. « Sur le perron, avec monsieur, » dit Jane d'un air significatif. « Avec John, avec mon frère, que faisait-elle là ?»« Ce n'est pas moi qui pourrais le dire, miss, » dit Jane, avec un certain mouvement de tête. « Sarah... Sarah, quoi ?» dit Fanny avec une curiosité impatiente. Jane reprit ses soins auprès de la malade, comme s'il eût déplu de répéter en face ce que Sarah avait dit. « Sarah, quoi ?» reprit Fanny, mécontente. « Ne faites pas de ces demi-phrases. Il m'est impossible de vous comprendre. Eh bien, miss, puisque vous le voulez absolument, Sarah était donc à la meilleure place pour bien voir, puisqu'elle était à la fenêtre de droite. Et elle dit... Elle l'a dit dans le moment même, qu'a vu Miss Hale, les bras passés autour du cou de monsieur et le serrant contre elle devant toute la foule. « Je ne crois pas un mot de tout cela, » dit Fanny. « Je sais bien qu'elle aime mon frère, c'est facile à voir. Et je suis sûr qu'elle donnerait ses yeux pour qu'il l'épousât, ce qu'il ne fera jamais, je l'en avertis. Mais je ne croirai jamais qu'elle ait été assez hardie et assez imprudente pour lui passer ses bras autour du cou. Pauvre jeune personne, dans tous les cas elle l'a payé cher. Je crois que ce coup lui a fait porter le sang à la tête si violemment qu'elle n'en reviendra pas. On dira une morte à la voir couchée là. « Oh, je voudrais bien que maman revînt, » dit Fanny en se tordant les mains. « Je ne me suis jamais trouvée dans la même chambre qu'une personne morte. »« Attendez, miss, elle n'est pas morte. Ses paupières remuent, et voilà des larmes qui coulent sur ses joues. Parlez-lui donc, miss Fanny. » « Vous sentez-vous mieux maintenant ?» dit Fanny d'une voix tremblante. Marguerite ne répondit pas et ne donna aucun signe de connaissance, mais ses lèvres commencèrent à reprendre un peu de couleur, quoique le reste de son visage demeurât d'une pâleur de marbre. Mrs. Thornton rentra en toute hâte, amenant avec elle le médecin le plus voisin qu'elle eût pu trouver. « Comment va-t-elle ? Êtes-vous mieux, mon enfant ?» dit-elle en voyant Marguerite entr'ouvrir les yeux et la regarder vaguement. « Voici Mr. Love qui vient vous voir. » Mrs. Thornton parlait très haut et très distinctement, comme si elle se fût adressée à une personne sourde. Marguerite essaya de se soulever et elle ramena instinctivement ses cheveux sur sa blessure. « Je vais mieux maintenant, » dit-elle d'une voix faible. « Le cœur me tournait. » Elle laissa le médecin lui prendre la main et lui tâter le pouls. Une vive rougeur se répandit sur son visage lorsqu'il demanda à voir la blessure, et elle jeta un coup d'œil vers Jane, comme si elle eût redouté son inspection plus que celle du docteur. « Ce n'est pas grand-chose à ce que je crois, » dit-elle. « Je me sens mieux maintenant. Il faut que je m'en retourne à la maison. » « Pas avant que j'aie mis du taffetas gommé sur la coupure et que vous soyez un peu reposé. » Elle s'assit sans rien dire et se laissa penser. « Maintenant, » dit-elle, lorsque ce fut fini, « il faut que je m'en aille. Maman ne s'en apercevra pas, j'espère. C'est caché sous les cheveux, n'est-ce pas ?»« Tout à fait. Il est impossible de rien voir. »« Mais il ne faut pas vous en aller encore, » dit Mrs. Thornton avec impatience. « Vous n'êtes pas en état. »« Il le faut, » dit Marguerite d'un ton résolu. « Songez à ma mère. » S'il sait qu'il y a eu... Et puis il faut que je m'en aille, interrompit-elle avec véhémence. Je ne veux pas rester ici. Auriez-vous la bonté d'envoyer chercher une voiture? Vous avez la fièvre, dit Mr. Love. C'est de rester ici lorsque je désire tant d'être à la maison. L'air me fera plus de bien que toute autre chose, dit Marguerite d'un ton de prière. Je le crois réellement, dit le médecin. Si sa mère est aussi malade que vous me l'avez dit en venant... et qu'elle entende parler de l'émeute pendant que sa fille est dehors, Cela peut lui faire beaucoup de mal. La blessure n'est pas profonde. Je vais aller moi-même chercher une voiture, si vos domestiques ont encore peur de sortir. » Oh, merci, dit Marguerite. Cela me fera plus de bien que quoi que ce soit. C'est l'air de cette chambre qui me fait tant de mal. » Elle s'appuya sur le sofa et ferma les yeux. Fanny fit signe à sa mère de la suivre hors de la chambre et lui dit quelque chose qui rendait Mrs. Thornton aussi désireuse du départ de Marguerite que celle-ci paraissait l'être elle-même. Non pas qu'elle ajoutât entièrement foi au récit de Fanny, mais elle en croyait assez pour rendre ses manières extrêmement contraintes lorsque la jeune fille prit congé d'elle. Mr. Love ramena la voiture. « Si vous voulez bien me le permettre, dit-il à Marguerite, je vous reconduirai jusque chez vous. Les rues ne sont pas encore tout à fait tranquilles. » Marguerite accepta. Mais quelque temps avant d'arriver chez elle, elle prit congé de Mr. Love et renvoya la voiture, dans la crainte d'effrayer son père et sa mère. Elle ne voulait penser qu'à eux. Cet affreux cauchemar, ces insolentes paroles au sujet de sa conduite, ne pouvaient sans doute s'oublier, mais elle voulait en repousser le souvenir jusqu'à ce qu'elle se sentît la force de les envisager, car en ce moment, elle était bien faible, et elle craignait de succomber à un nouvel évanouissement.